Conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment a-t-on su ce qu'est un nombre ? Bonjour à toutes et à tous qui êtes ici très nombreux et à vous autres qui êtes ailleurs encore plus nombreux. Nous sommes en public dans la grande salle du théâtre de l'Odéon à Paris pour le 5e épisode de notre cycle intitulé « Comment avons-nous su ce que nous savons ?» Chaque fois, vous le savez, l'idée est de raconter de la façon la plus claire possible comment une connaissance scientifique a fini par s'imposer au cours de l'histoire des idées. Le but est que nous acquérions ensemble, par la seule conversation, une meilleure connaissance de nos connaissances, afin d'être mieux armés pour expliquer, enseigner et questionner ce que nous savons. Aujourd'hui, ce sont les mathématiques que nous allons interroger, les mathématiques dont on dit souvent qu'elles sont une science spéciale, une science pas comme les autres, peut-être même autre chose qu'une science. Nous allons notamment nous demander comment l'on comprend une idée qui semble évidente, et qui en réalité ne l'est pas, l'idée de nombre. L'enfant qui apprend à distinguer les tout premiers nombres, 1, 2, 3, voire 4, qui apprend à compter sur ses doigts, qui relie cet apprentissage à la succession, à l'itération, qui apprend à mesurer des longueurs grâce à ces nombres, fait de façon largement inconsciente des opérations extrêmement complexes. Est-ce qu'on sait dire lesquelles ? Plus généralement, nous interrogerons le statut des objets mathématiques. Oui, car les objets mathématiques semblent avoir un mode d'existence très particulier. Ils ne sont ni tout à fait naturels, ni tout à fait artificiels. Ils sont d'une certaine façon réels, tout en n'existant pas vraiment, du moins si l'on prend le verbe « exister » dans le sens de « devenir dans le temps et dans l'espace ». Dès lors, quel peut bien être leur statut ontologique ? Nous pressentons tous que les réponses à ces questions pourraient ne pas être toujours simples. Car les idées ont une vie qui est loin d'être idéale, de sorte que cette émission pourrait bien nous donner le vertige et partir dans tous les sens. Alors, pour être bien certain que ce sera effectivement le cas, j'ai invité deux personnes à l'esprit très ouvert, un mathématicien bien sûr et un homme épris de poésie. Le mathématicien, c'est Cédric Villani qui est en face de moi. Bonjour Cédric. Bonjour Étienne. Vous êtes lauréat de la médaille Fields en 2010 et l'homme épris de poésie, c'est Léon Bonafé. Bonjour Léon. Bonjour. Qui m'a aidé à préparer cette émission et que vous connaissez bien lui aussi puisqu'il nous accompagne depuis nos débuts en ce théâtre de l'Odéon. J'ai une première question, Cédric Villani. Je sais, parce que vous me l'avez déjà dit, que vous ne buvez pas de café. Vous buvez du thé. Or, il existe une définition qui a été proposée par un mathématicien qui est un théoricien des nombres. Hongrois, Paul Erdős, qui disait ceci, un mathématicien est une machine qui transforme le café en théorème. N'y a-t-il pas là la preuve formelle que vous n'êtes pas un exemple, mais un contre-exemple ? Et comment est-ce que vous vivez ça ? Je vois qu'on commence fort. Je pense que le célèbre aphorisme de Paul Erdős est à prendre en un sens un peu large. Là où il dit café, comprenons, une façon de désigner une substance un peu excitante, quelque chose qui vous donne de l'énergie, et il s'agit de transformer cette énergie, disons, biologique, en quelque chose qui a une existence abstraite, une construction mathématique, bourrée d'une énergie cachée. Et je pense que je fais partie, à ce titre, des exemples, plutôt que des contre-exemples. Vous vous en sortez bien. Merci. Alors, vous avez publié il y a quelques années un livre étonnant intitulé « Théorème vivant » où vous racontez ce qui s'est passé dans votre tête pendant toutes ces années où un certain problème vous a obsédé, c'est le mot que vous utilisez, le problème de l'amortissement Landau par lequel les plasmas peuvent retrouver l'équilibre sans augmentation d'entropie à l'opposé en apparence des mécanismes qui sont régis par l'équation de Boltzmann. Est-ce que vous considérez que l'équation de Boltzmann, qui est une équation très importante en physique, est vraiment la plus belle équation du monde ? Ah, moi je crois. Vous n'êtes pas d'accord ? J'en connais d'autres, celle de Dirac, qui est magnifique. Écoutez, tous les goûts sont dans la nature. Alors c'était un livre passionnant parce que on y trouvait évidemment des équations, explicitement écrites, des portraits de mathématiciens, des récits de nuit blanche, où l'on croit entendre jusqu'au cliquetis des os de votre cerveau. Il y a des pages dans lesquelles on comprend rien. Et j'imagine que c'est obligatoire si l'on veut vraiment dire comment se vit la recherche en mathématiques. Et est-ce que vous seriez d'accord avec René Char lorsqu'il dit que certains jours, il ne faut pas craindre de nommer les choses impossibles à décrire? C'est bien dit. Et moi, je crois que, en mathématiques, vous l'avez bien dit, il y a un statut particulier. Qu'est-ce que c'est qu'un concept mathématique? J'aime bien dire que c'est à la fois nulle part et partout. Évidemment, on n'a jamais vu un théorème, on ne peut pas le prendre. Et en même temps, il peut s'incarner dans de nombreuses manifestations. Amortissement Landau, on va le retrouver derrière des équations abstraites qui semblent vraiment impossibles à saisir. Et pourtant, c'est une réalité. Un expérimentateur qui travaille avec les plasmas sait bien qu'il doit compter sur cet amortissement Landau pour stabiliser son dispositif expérimental. Donc il est à la fois là et pas là, sous-tendant la réalité, même s'il est invisible. Mais Russell, qui était un grand logicien, un grand mathématicien aussi, disait que en mathématiques, on ne sait jamais très bien de quoi l'on parle, ni si ce qu'on dit est vrai. Oui. C'est pas très encourageant. Mais il avait le sens de l'humour et de l'humilité, Russell. Et on sait bien que c'est lui qui a réussi l'exploit de mettre la planète mathématique sans dessus-dessous, tout début du XXe siècle, en trouvant à peu de frais une très simple contradiction qui semblait mettre à terre tout l'édifice. Le rêve de n'importe quel révolutionnaire. Une petite bombe toute simple qui fait tout exploser. Et vous connaissez l'histoire. Russell nous dit, considérons, tiens, depuis Cantor, on sait qu'on travaille avec la théorie des ensembles basée sur la notion d'appartenance. Et qu'on peut utiliser l'appartenance à tous les niveaux, avoir des choses qui appartiennent à d'autres. Eh bien, considérons l'ensemble de tous les ensembles qui ne s'appartiennent pas. L'ensemble de tous les ensembles qui ne s'appartiennent pas. Si cet ensemble s'appartient, alors on ne peut pas dire qu'il ne s'appartienne pas, donc il n'est pas dans la liste des éléments qui appartiennent à cet ensemble. Il y a contradiction. Mais si cet ensemble ne s'appartient pas, alors il est dans la liste des éléments qui appartiennent à cet ensemble. Donc il s'appartient. Contradiction aussi. Vous voilà réduit à choisir entre deux propositions contradictoires, et donc il n'y a pas d'issue. Ça a été un casse-tête. Comment imaginer qu'un petit syllogisme, un peu dans le sens des paradoxes anciens à la grecque, hein, quand quelqu'un vous dit qu'il ment sans arrêt, est-ce qu'il dit la vérité quand il dit qu'il ment, ce qui est impossible, ou est-ce qu'il ment quand il dit qu'il ment, ce qui voudrait dire qu'il dit la vérité? Et avec un petit syllogisme aussi simple, vous mettiez à terre tout l'édifice mathématique. Il a fallu bosser dur pour réparer ça. Ça leur a pris plusieurs décennies avant de remettre la mathématique sur ses gonds. Et ça a participé à la naissance compliquée de l'informatique moderne. C'est ce qu'on a appelé la crise des fondements. La crise des fondements, oui. Alors, comme on a invité à cette table Léon qui aime la poésie, qui la lit très bien, on va interroger le lien aussi entre les mathématiques et la poésie. On dit souvent que la poésie est à une extrémité du langage, les mathématiques sont à l'autre extrémité. La poésie se fait en creusant une langue maternelle jusqu'à ce qu'elle accède à l'universel, alors que les mathématiques, d'une certaine façon, sont hors du langage et atteignent... Oui. L'universel de cette façon-là. Cela est vrai, et pourtant j'aime bien comparer mathématiques et poésie, mais on pourra y revenir. Est-ce que vous savez comment on calcule la surface de l'automne? La surface de l'automne? Non. J'imagine avec les feuilles qui tombent. Non, c'est plus compliqué. Voilà, on a une proposition de Vénus Kurigata qui nous fait une leçon de poésie mathématique, finalement, avec la surface d'un automne. La surface d'un automne est inversement proportionnelle à la hauteur de sa tristesse. Le nuage interrogé multiplie sans difficulté le basilic par le safran. Répète après moi. La distance entre deux pluies se mesure par arpent de silence et le périmètre d'un mois est divisible par son rayon de lune. Cela va de soi. Vous êtes d'accord, Cédric ? Le périmètre d'un bois, d'un mois, se divise par son rayon de lune. Je crois que c'est juste. Alors, avant qu'on parle des nombres, c'est quand même le sujet, je vais revenir quand même sur votre théorème vivant, livre dans lequel vous expliquez que, dans vos rêves, les mathématiques sont souvent présentes, mais toujours mélangées à peu près n'importe quoi. Et par exemple, vous avez rêvé, je ne sais pas si vous l'avez raconté à un psychanalyste un jour, mais vous avez rêvé d'un mari trompé qui avait peur de perdre le contrôle de l'équation de Fokker-Planck. Je suis sûr que ça inspirerait un scénariste. Et vous avez aussi rêvé d'une attaque aérienne en forme d'interpolation linéaire. Oui, alors ça, c'est costaud. Ça, c'est plus grave. Comme attaque aérienne, ça, c'est dur d'y répondre. Dernière question, Cédric Villani, à propos du métier de mathématicien. À ce micro, il y a quelques mois, j'avais reçu Olivier Rey, qui est un mathématicien philosophe, qui suggérait dans l'un de ses livres l'idée que la pratique des mathématiques peut avoir des vertus thérapeutiques. Il prenait un exemple, celui des problèmes d'éjaculation précoce. En effet, expliquait-il, Lacan attribue les problèmes d'éjaculation précoce à la subordination du désir à l'ego. Et Olivier Rey suggérait donc, dans ce cas, le traitement suivant. Vous vous concentrez au moment opportun sur une question mathématique, d'où il résulte un affaiblissement de l'ego, voire son effacement. Mais il expliquait aussi que s'il est trop fortement appliqué, ce remède peut même être trop efficace. Il faut donc doser la concentration. J'imagine bien. Si au moment critique, vous vous retrouvez plongé dans un problème mathématique vertigineux, c'est tellement passionnant que ça va vous absorber entièrement. Et alors, dans votre livre, vous parlez d'un sujet proche, en essayant de donner un critère qui permet à chacun d'entre nous de savoir s'il est un bon mathématicien. C'est un critère qui a été proposé par André Weil, le frère de Simone Weil. Il dit ceci, « Tout mathématicien digne de ce nom a ressenti, même si ce n'est que quelquefois, l'état d'exaltation lucide dans lequel une pensée succède à une autre comme par miracle. Contrairement au plaisir sexuel, ce sentiment peut durer pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. » Vous confirmez ? Bien sûr. Bon. Alors qu'on est quand même là pour parler des nombres. Hein. Donc, et là, je vais vous proposer un test de mémoire, puisque la première fois que je vous ai reçu à la conversation scientifique, je vous avais demandé qui a écrit ceci. Les oiseaux sont des nombres, l'algèbre est dans les arbres. Je vous avais donné la réponse, est-ce que vous vous en souvenez ? J'avoue que ma mémoire n'est plus ce qu'elle était et que j'ai oublié. Mais vous vous souvenez que vous avez eu de la mémoire ? Je me souviens. C'est déjà pas mal. Effectivement, voilà, c'est déjà ça. C'est de Louis Aragon, Feu de joie, l'acrobate. Alors, à propos des nombres, on va commencer par lire un poème. Léon Bonafé. Voilà, le sang des chiffres de Michel Butor. On s'imagine souvent que les nombres sont blancs et froids, comme des cristaux de neige, et que les mathématiciens skient sur leur pente en respirant l'air le plus pur. On s'imagine que c'est le meilleur refuge contre les tourments de nos viscères, la pollution de nos cerveaux, les déchirements de nos familles, les haines entre nations et races, les sursauts de la barbarie. Et c'est bien vrai qu'ils peuvent l'être si le mathématicien le mérite. C'est-à-dire s'il a bien compris qu'ils sont souvent tout autre chose et que d'innombrables cadavres pourrissent, cloués sur les chiffres, statistiques ou matricules. Il y a des nombres tranquilles, d'autres en danger d'explosion. Il y a des nombres tout simples et d'autres remplis de recoins, d'obscurité, palpitations, de crissements et perspectives, grondements. Précipitation. Ce sont les calculs qui permettent bombardement, exploitation, aussi bien qu'envol, délivrance, exploration et guérison. Il y a des nombres qui brûlent et d'autres qui nous emprisonnent, dégoulinant de nos malheurs. Dans le labyrinthe des chiffres, il y a jardins et carcans, plages, délices et tortures, des ruisseaux de lave et de sang à distiller en élixir, pour la fontaine de jouvence où nous boirons la vie des dieux. Tout cela dans les nombres. Alors justement, je voudrais qu'on en parle en commençant par les nombres les plus simples en apparence, les nombres entiers, 1, 2, 3, qui nous sont familiers, ce sont des êtres communs, On les appelle d'ailleurs des nombres naturels, comme s'ils allaient de soi. Et pourtant, est-ce qu'on pourrait les définir à partir de concepts plus fondamentaux qu'eux-mêmes, grâce à des notions qui seraient antérieures à l'idée même de nombre? J'ai oublié de dire, quand je vous ai présenté, que vous dirigez l'Institut Poincaré, Henri Poincaré. Or, ce grand mathématicien défendait justement l'idée qu'il y a de fortes raisons de soupçonner, dit-il, que ceux qui cherchent à justifier l'existence et les propriétés des nombres en utilisent implicitement la notion dans leur raisonnement. Autrement dit, on ne pourrait pas définir les nombres sans avoir d'emblée recours à l'idée même de nombre. Est-ce que vous considérez que cette objection est recevable ? C'est possible, très difficile à démêler, mais Henri Poincaré n'aimait pas qu'on se préoccupe trop des fondations mathématiques. Il pensait qu'un bon raisonnement était un raisonnement qui allait de soi et dans lequel on n'éprouvait pas le besoin de se lancer dans des considérations de logique en tant que branche mathématique. Maintenant, le statut des nombres, même les nombres naturels, est une affaire pas si facile. Et je voudrais commencer par parler des nombres dans notre biologie. C'est une des découvertes assez récentes des sciences cognitives que les petits nombres sont très bien incrustés dans notre cerveau. Que 1, 2, 3 et à la limite 4, en le nouveau-né, on a déjà une certaine connaissance. Et même la plupart des vertébrés en ont déjà une connaissance. Et il y a même des choses inouïes par rapport à ça. Des expériences ont démontré que le fait de sentir que naturellement les petits nombres sont à gauche et les grands nombres à droite, on pourrait penser que c'est une déformation liée à notre écriture de gauche à droite, et le fait de classer les nombres dans l'ordre croissant, mais n'empêche, on a démontré que c'était vrai déjà pour les mammifères, et même que les poissons ont une préférence pour une configuration dans laquelle les petits nombres sont à gauche et les grands nombres à droite. Je vous raconte pas, il faut être malin pour faire les expériences avec les poissons qui montrent ça. Mais c'est très sérieux. Alors justement, moi j'ai trouvé un texte d'un mathématicien de la fin du 19e siècle, Otto Biermann, je ne sais pas s'il est très connu, mais il a écrit une théorie des fonctions analytiques dans laquelle il essaie de définir la notion de nombre entier. Mmh. Et il dit ceci: le concept de nombre entier peut être défini comme l'idée d'une pluralité composée de choses de même espèce. Alors vous voyez, pluralité, oui, ça suppose déjà l'idée de nombre. Il y a au moins une demi-douzaine de notions de nombre entier. Mais celle-ci est, pour un mathématicien, la plus naturelle. L'ensemble de toutes les collections faites de trois objets partagent une certaine propriété, et cette propriété, c'est le nombre 3. Et quand vous voulez le mettre en forme, c'est délicat. Mais au-delà de la définition formelle, c'est ça l'idée qu'on en a. Alors, maintenant, il n'y a pas qu'une seule construction des nombres entiers. Il y en a qui sont plus ou moins naturels, il y en a qui vous donnent le vertige. Je vais prendre 2 minutes pour vous donner celle qu'on m'a enseignée quand j'étais en cours de logique à l'école normale supérieure. Et on nous a dit, voici une construction possible à partir de rien, ou presque rien, à partir de l'ensemble vide. Ensemble vide, cet ensemble qui ne contient aucun élément, il faut déjà avoir la foi pour s'imaginer qu'il existe. Mais admettons qu'il existe, et vous savez, il est représenté avec ce symbole, ce O barré. Eh bien, ensemble vide, mettons-nous d'accord sur le fait que c'est ça qu'on va appeler zéro. Il n'y a rien. Et maintenant, disons-nous qu'un ensemble avec un ensemble à un élément serait un candidat naturel pour représenter le chiffre 1, le nombre 1. Mais prenons l'ensemble à un élément le plus canonique, dirait un mathématicien, le plus emblématique. Qu'est-ce qu'on va choisir comme élément à cet ensemble? Pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'est définir 0. Ben, ça va être l'élément de notre ensemble. Donc, l'ensemble qui contient uniquement 0, autrement dit, l'ensemble qui contient seulement l'ensemble vide, appelons-le 1. Et on continue comme ça. nous appellerons deux l'ensemble formé de l'ensemble vide et de l'ensemble qui contient l'ensemble vide. Trois, l'ensemble qui contient l'ensemble vide, l'ensemble formé de l'ensemble vide et l'ensemble formé de l'ensemble vide et de l'ensemble qui contient l'ensemble vide. Et on continue ainsi. Voyez, c'est limpide. Ça a l'air, ça rejoint et ainsi, d'ailleurs. Et ainsi, on construit tous les nombres à partir de l'ensemble vide, autrement dit à partir du zéro. Et vous savez, il y a une ironie magnifique dans la langue française qui imite ce raisonnement. C'est l'histoire des chiffres. Vous connaissez l'étymologie du chiffre ? Chiffre dérivé de Zéphyr, le nom qu'on utilisait en langue arabe pour représenter zéro, à une époque où il fallait insister sur le fait que c'était un chiffre aussi. Et petit à petit, par une certaine tournure de style, ce qui était un chiffre particulier est devenu symbole du chiffre général, et c'est ainsi comme si tous nos chiffres venaient du zéro. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Un petit poème, Léon ? Alors là, non, mais plusieurs choses. Je peux dire deux mots sur le. Justement, on a esquissé ça, le rapport entre la poésie et les mathématiques. Parce qu'en cherchant des textes, je me suis aperçu qu'il y avait assez peu de textes qui parlaient de mathématiques. Et pourtant, les mathématiques sont présentes en permanence dans la poésie, parce qu'on compte, on passe son temps à compter, on compte les syllabes pour faire des vers 8, 10, 12 avec l'alexandrin. Alors l'alexandrin, en plus, c'est 2 fois 6 puisqu'il y a la césure. Comme dans, par exemple, ce beau vers de Chimène. Qu'il est joli garçon, l'assassin de papa. Ça c'est dans le Cid par Georges Fourest. Très bel alexandrin. Donc on compte aussi les syllabes, on compte aussi les vers pour voir si c'est un quatrain, etc. Et finalement, mais il y a aussi beaucoup de poètes qui étaient passionnés par les mathématiques. On en connaît plus au XXe siècle. Il y a la pataphysique d'abord, avec Jarry, qui a quand même un poème où il calcule la surface de Dieu par un long calcul très compliqué. Que je ne vous dirai pas ici, parce que moi-même j'ai du mal à le comprendre, mais il en arrive à la conclusion que Dieu est le plus court chemin de zéro à l'infini. Et il finit même par dire que c'est la tangente, Dieu est la tangente entre zéro et l'infini. Et il y a aussi Bobby Lapointe, ça m'intéresse beaucoup parce qu'il avait un rapport aux mots qu'on connaît, avec les jeux de mots, une espèce de folie des mots. Et il avait le même avec les chiffres, puisqu'il avait créé un système qu'il appelle le système bibi-binaire, qui est un système alors hexadécimal, si je ne dis pas de bêtises, un système de numération donc de base 16, qu'il avait inventé. Il faisait correspondre à chaque chiffre une voyelle. Il s'amusait avec ça. Ce qui l'amusait surtout, c'était de l'appeler le système Bibi. Mais c'était un vrai génie des mathématiques. Et j'ai un poème de Bobby Lapointe, qui ne parle pas de chiffres, mais où on a cette espèce de folie du mot et de l'obsession, qui s'appelle « Vers le bas des vallées ». Vers le bas des vallées délavées, veules et velues. Les jolies Jules lugées, gelées, en légers gilets rayés, et riées, terraillées, et raillées, rouillées. Enrouées, rouées, un roulé, enroulé, lourlé, alourdi d'un long loden. Le dit loden, dédain de Delon, donc don d'Alain à l'un des dins, le dit dandy, les dents, dit lundi dans l'an, dit dilan, a doté d'élan, des ladies au dos lent, dodelinant dans de dolants landaux. Des longs lodennes, l'on dit dans l'aine, l'aune de l'aine donne la haine de l'haleine de l'aine, et celle de l'aisselle, de celle qui dans isselle, celle des selles qui selle des selles. Celle-là, hein. Seule, saoule, sale, elle sale tous les saules et les sols sans cils et silas l'os iliac. Il n'y a que de le croire pour le voir. Bon, de ces phrases empoulées, j'en vins au mien. Tous ces poulets que tu voulais m'acheter, t'acheter et que tu me dénies, papin, j'en eus des vapeurs de génie et j'imaginais ma machine à chiner mes nichés. Et ça m'a bien fatigué. Bravo. Merci. Quel exercice. Cédric Villani, vous pratiquez le théâtre, la poésie À l'occasion. Et je voudrais citer l'auteur peut-être l'un des auteurs les plus mystérieux et les plus visibles dans ce rapport entre mathématiques et poésie, le comte Lautréamont, alias Isidore Ducasse, qui s'est dit « on va ajouter des mots mathématiques dans certains de ces chants de Maldoror pour leur donner une dimension plus mystérieuse et plus pleine de possibilités, certainement. » Et on en vient à l'un des points communs, à mon avis importants, entre mathématiciens et poètes, c'est leur amour des mots et des concepts dans lesquels, que ce soit dans un texte de mathématiques ou dans un texte poétique, quand vous employez un mot, ça veut dire beaucoup plus de choses que juste sa signification froide. Ça vient avec tout un contexte, un ensemble de réflexes, une théorie entière pour le mathématicien. Ça vient avec tout un registre, une image, une invocation pour le poète. Et je pense que ce rapport aux mots est un point commun important. Si vous le voulez bien, on va parler anglais. Si je vous dis 12 plus 1 égale 11 plus 2, vous êtes d'accord? I agree. En français, ça donnerait 12 plus 1 égale 11 plus 2. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de spécial? 12 plus 1 égale 1 plus 2. Non, il faut le dire en anglais. 12 plus 1 is 2 plus 11? Yes. C'est les mêmes lettres. Autrement dit, c'est une anagramme qui est vraie. Elle est très connue, celle-là, mais c'est à condition de mettre les plus avec la croix. Mais j'en ai une autre. 101 moins 60 plus 15, ça fait 56. Ça fait aussi 51 plus 11 moins 6. Et là, vous verrez que c'est les mêmes lettres, à condition d'écrire le plus et le moins en toutes lettres. Ça a été trouvé par Jacques Berry-Salkov. Et vous êtes jaloux. En 75 nuits blanches. Ça vous fascine, vous, les jeux de langage ou bien les jeux avec les... Je pense que... Est-ce que vous êtes un peu... Même si c'est pas ça le cœur de la pratique mathématique, mais souvent c'est un point d'entrée. Et quand on considère... Enfin, pour beaucoup de gens... mathématiques, un premier point, c'est sont chercher des arrangements. Par exemple, on a vu le succès extraordinaire de Sudoku ou Sudoku il y a quelques années. Quand c'est arrivé, le fait de chercher à placer des chiffres dans une grille obéissant à certaines règles, ça a occupé tant et tant de cerveaux. Quand j'étais gamin, un jeu qui me plaisait beaucoup, c'était rédiger de grands carrés magiques. Vous savez, ces arrangements dans lesquels on met les nombres les uns à la suite des autres, rangés de telle sorte que la somme des nombres dans une même colonne ou dans une même ligne soit toujours la même, ou dans une même diagonale d'ailleurs. Alors vous êtes mathématicien, Cédric Villani, mais vous avez travaillé sur l'équation de Boltzmann, qui était physicien, donc c'est une équation de physique. Ce qui oblige à poser la question du lien que vous voyez, vous, entre les mathématiques les plus pures et la physique, qui visait à décrire le monde empirique. Tout d'abord, comme on l'a bien compris depuis Galilée, le langage de la physique, c'est les objets mathématiques. Disons, quand on veut écrire de façon quantitative et précise un phénomène physique, on va le mettre en équation. Et l'équation est un objet mathématique. Et Galilée ne pensait pas aux équations, il pensait aux figures géométriques. Galilée, oui, effectivement, dans son texte, il parle de triangles et de lignes, oui. Mais il faut voir que pendant des siècles et des siècles, on a considéré que la géométrie était la base de la mathématique, et à tel point qu'on disait même, à l'époque de Galilée et encore au-delà, géomètre pour parler de mathématicien. Parce que géomètre, c'est celui qui ordonne les figures, qui s'occupe des relations des objets les uns avec les autres. Après tout, quand sont arrivés Descartes, Fermat, Pascal, on a compris qu'on pouvait faire une correspondance entre le langage de la géométrie et le langage de l'algèbre. Une équation peut se transformer en objet géométrique. C'est vrai pour des équations simples, hein, x carré plus y carré égale 1. Si je vous dis ça, vous voyez certainement un cercle dans votre tête. Et donc, on a cette correspondance. Et puis, maintenant, on pourrait réécrire le texte de Galilée en le formulant de façon un peu plus générale. Si je vous donne cette réponse-là, je ne suis pas arrivé jusqu'au bout de ce lien entre mathématiques et physique. Là, je vous explique pourquoi le physicien a besoin de mathématiques. Mais il faut ajouter la réciproque. Pourquoi le mathématicien a besoin de physique ? Parce qu'un nombre considérable de découvertes mathématiques et de concepts mathématiques ont été inspirés par la physique. Le calcul différentiel et donc l'analyse moderne est né avec l'objectif de prédire le mouvement des objets dans le cadre de la mécanique. L'entropie introduite par Boltzmann, qui était là pour comprendre la complexité d'un gaz et le désordre, est devenue un concept important de mathématiques pures qui a servi à résoudre des problèmes issus de toutes sortes, y compris d'ailleurs des problèmes de géométrie comme ceux sur lesquels j'ai travaillé dans ce qu'on appelle théorie synthétique de la courbure de Ricci, façon d'écrire la courbure d'une géométrie non euclidienne en utilisant des concepts à la Boltzmann, des concepts d'entropie d'un gaz, de déplacement de particules. Et donc, c'est un aller-retour entre mathématiques et physique, une relation très proche. Les mathématiciens et les physiciens aiment bien se taquiner sur leur rapport à la rigueur en particulier, mais ils participent d'une grande œuvre commune pour une grande partie. Et on peut argumenter que c'est un rapport très différent d'ailleurs qui s'est noué plus tard entre mathématiques et biologie. Pourquoi ? Parce que la biologie est moins mathématisable que le monde physique ? La biologie se mathématise peu à peu, mais beaucoup moins en concept, beaucoup plus en équations et en complexité. Il y a très peu de concepts mathématiques qui ont été inspirés par la biologie, il y en a quelques-uns. Les réseaux de neurones qui aujourd'hui sont presque l'alpha et l'oméga de l'intelligence artificielle ont été bien sûr inspirés par l'organisation biologique. Et cette idée que la compréhension est en bonne partie un phénomène compositionnel avec une composition d'opérations très simples comme le font nos neurones, mais c'est un exemple rare, vous en avez quelques autres. Ça n'a rien à voir avec la diversité des concepts mathématiques qui ont été engendrés par la physique et qui sont extrêmement nombreux, et des concepts d'ailleurs qu'on retrouve même dans les notions de base qu'on apprend au lycée, qu'on apprend en licence de mathématiques. En revanche, en biologie, vous vous affrontez tout de suite à de la complexité. C'est très difficile de simplifier un problème biologique, de le réduire à une expression simple. Alors que en physique, on passe son temps à simplifier. Et l'équation de Boltzmann est un modèle très simplifié de la réalité, d'ailleurs. Alors, sinon j'ai peut-être deux textes un peu courts sur certaines définitions du rapport justement entre les mathématiques et la réalité. Un texte d'Henri Somme, qui était un poète du Chat Noir, qui dit la ligne droite est le plus bête chemin d'un point à un autre. C'est ce qui fait trouver la ligne en zigzag plus courte à tous ceux qui ne sont pas géomètres, et c'est ce que je vous souhaite. Et un texte de Prévert qui s'appelle « Il ne faut pas ». Il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec les allumettes. Parce que, messieurs, quand on le laisse seul, le monde mental, messieurs, n'est pas du tout brillant. Et sitôt qu'il est seul, travaille arbitrairement, s'érigeant pour soi-même et soi-disant généreusement en l'honneur des travailleurs du bâtiment, un auto-monument. Répétons-le, messieurs, quand on le laisse seul, le monde mental ment monumentalement. Alors, j'avais une question, Cédric Villani, puisque le sujet, c'est quand même les nombres. Ouais, c'est ça que j'étais en train de me dire en écoutant le poème. Comment on en est arrivé là ? On a dit que ça partirait dans tous les sens, ça se confirme, ça se passe bien. C'est la vision que certains peuvent avoir, de croire que les mathématiciens sont ailleurs. Est-ce qu'il y a des problèmes de théorie des nombres aujourd'hui qui sont considérés comme des véritables murs à la compréhension ? Ouh, tant et plus. Parmi les plus célèbres problèmes de théorie des nombres, parmi les plus célèbres problèmes mathématiques, on en trouve beaucoup en théorie des nombres. Par exemple, le célèbre problème des nombres premiers jumeaux. Vous savez ce qu'est un nombre premier, C'est un nombre qui ne se divise par aucun autre, comme 11 ou 13, alors que 16, qui est égal à 4 fois 4, n'est pas premier. Question. Peut-on trouver une infinité de paires de nombres premiers qui sont séparés de deux unités, telles que 5 et 7, 11 et 13, 29 et 31, et ainsi de suite? Est-ce qu'il y en a une infinité de ces paires? À cela, personne ne sait répondre. Il y a quelques années, le mathématicien chinois Yi Tang Zhang a démontré qu'il y a une infinité de nombres premiers séparés d'une certaine quantité fixe. De paires de nombres premiers séparés d'une quantité fixe, disons K. Un exploit qui lui a valu une notoriété mondiale immédiate et d'autant plus marquant que Yi Tang Zhang était un mathématicien qui avait la soixantaine, qui avait fait une carrière complètement de profil bas, n'était connu pour aucun théorème significatif. Et sa carrière universitaire avait fonctionné tellement mal qu'dans certains cas, il avait dû chercher des petits jobs dans des restaurants. Et le voilà qui, à l'approche de la retraite, devient une star mathématique mondiale. Donc c'est bien un contre-exemple de l'idée que les mathématiciens produisent l'essentiel de leurs travaux avant 40 ans. Ouais, il y a des contre-exemples. Et c'est bien, ça donne de l'espoir. Alors, vous avez un collègue, Alain Cohn, qui est non seulement platonicien, mais il est même hyper platonicien, puisqu'il dit « Je crois qu'un des critères d'une vraie compréhension du monde physique extérieur serait notre capacité à comprendre sa position à l'intérieur du monde mathématique. » Avec l'idée que le monde physique, c'est finalement une partie de la totalité des choses que les mathématiciens peuvent imaginer ou décrire. Est-ce que vous êtes de son bord ou est-ce que vous êtes plus pragmatiste ? On peut penser ça. On peut penser que le monde physique est une partie, effectivement, d'un monde plus vaste, mathématique. Cela dit, il faut être modeste. En pratique, c'est tout le contraire. En mathématiques, on arrive à comprendre qu'une infime partie du monde réel, en pratique. Parce que notre intelligence est limitée. Tenez, là, j'agite le verre. Un verre d'eau, je précise. Ouais. Il y a un phénomène de turbulence. Personne ne sait vraiment dire quelque chose d'intelligent par rapport à ça. Compréhension de la turbulence, c'est-à-dire comment réagit un fluide soumis à des stimulations selon certaines fréquences et considéré comme l'un des problèmes ouverts les plus importants de ce que nous appellerons la physique classique théorique. Et on comprend ça moins bien qu'on ne comprend le fonctionnement d'un atome, par exemple. Ça vous rend humble, forcément. C'est tout simple et pourtant c'est si mystérieux. Et ça doit forcément se mettre en équation et donc en nombre, ce qui est derrière. On en est convaincu, mais on n'est pas assez malin pour le faire. Et donc, on peut disserter, tenter plus sur le statut de la nature mathématique, qui comprend tout, qui permet d'embrasser toute la réalité, mais si on n'est pas assez malin pour trouver les bonnes équations et les bons résultats, ça reste encore plus abstrait. Mais vous-même, quand vous faites une démonstration d'un théorème, vivant ou mort, est-ce que vous avez l'impression est-ce que vous avez l'impression d'être un explorateur, un bâtisseur, un découvreur? Autrement dit, est-ce que le théorème était vrai avant que vous le démontriez? Moi, je crois que oui. Encore, donc vous êtes platonicien. Je suis un explorateur, mais je crois que même ceux qui se considèrent comme des bâtisseurs agissent souvent en explorateurs, en cherchant les relations, les esthétiques qui vont les guider dans leur démarche. Alors, vous n'êtes donc pas un pragmatiste, et pourtant, Laurent Schwartz, qui a été un éminent professeur à Polytechnique, répondait ainsi à la question « Mais pourquoi faut-il faire des mathématiques ?» Il répond ceci: il faut faire des mathématiques parce que les mathématiques, ça sert à faire de la physique. La physique, ça sert à faire des frigidaires. Les frigidaires, ça sert à y mettre des langoustes. Et les langoustes, ça sert aux mathématiciens qui les mangent et sont alors dans de bonnes dispositions pour faire des mathématiques qui servent à la physique, qui servent à faire des frigidaires, etc. C'est comme de la poésie. Alors, Léon. Vous savez, je vais faire le parallèle. Vous avez ce cycle avec le contraire, si l'on veut. Un dispositif que Claude Shannon, l'un des pères de l'intelligence artificielle, avait construit pour illustrer le sens du progrès technologique. Il appelait ça la machine ultime. Vous aviez une boîte avec un interrupteur. Et quand vous mettez l'interrupteur sur la position « on », une main articulée sort de la boîte qui s'ouvre, elle vient mettre l'interrupteur sur « off » et retourne dans sa boîte qui se referme. La machine ultime. Vous êtes fasciné par la technologie ? Technologie, évidemment, a pris une ampleur considérable en lien avec la mathématique à partir du milieu du XXe siècle. Et aujourd'hui, on ne peut qu'être fasciné, je crois, parce que ça accomplit maintenant, avec la révolution numérique, certains disent avec maintenant, en outre, la révolution de l'intelligence artificielle. C'est rare qu'une technologie particulière, parce que l'intelligence artificielle est une technologie, commence déjà à s'inviter dans les débats publics et même dans les programmes de candidats à la présidentielle, puisqu'on a parlé de ces questions de taxes sur les robots, par exemple. Et donc, il y a un côté fascinant dans ce que les méthodes mathématiques modernes, alliées avec les technologies modernes, sont en train de s'inviter dans le débat public et en train d'avoir un impact dans un peu tous les domaines. Mais est-ce qu'il y a des résultats très importants de la théorie des nombres qui ont des applications technologiques ? Je pense au système de codage, aux travaux sur les nombres premiers que vous avez évoqués. Oui, la théorie des nombres, évidemment, est utilisée de façon routinière dans des problèmes de sécurité informatique, dans des problèmes de codage. Et on sait bien que la possibilité de travailler, de résoudre certains codes secrets a été une étape clé dans la Seconde Guerre mondiale. C'était un mélange de problèmes de nombres, de problèmes de combinatoires, de problèmes de statistiques. Et de plus en plus, la théorie des nombres est venue s'inviter dans des applications de tous ordres. C'est la grande ironie de la théorie mathématique selon Hardy, comme ça a été commenté. Hardy, qui était le plus visible mathématicien anglais du début du XXe siècle, développe une théorie selon laquelle la mathématique est beaucoup plus belle quand elle est inutile et que la plus élégante de toutes les disciplines, c'est la théorie des nombres, sans aucune application, tout en beauté et en élégance. Quelques décennies plus tard, certains résultats de théorie des nombres se retrouvent avec une application stratégique considérable et on a même vu des cas où des articles de théorie des nombres se sont fait classifier secret défense. Il y a aussi l'exemple d'Alexandre Grothendieck, qui n'aimait pas que les mathématiques soient appliquées, et dont les notes ont été rendues publiques, enfin celles qui n'avaient pas encore été lues, ont été rendues publiques il y a quelques semaines. Est-ce que ça a aussi des implications éventuelles en technologie ? Est-ce que ça vous intéresse de lire ces travaux de géométrie algébrique ? Ça serait fascinant. On peut toujours imaginer, qui sait, que la géométrie algébrique à la Grothendieck sera la base d'une nouvelle révolution technologique. On peut tout imaginer. Il y a quelques années, un auteur anglais, Matt Haig, a écrit un roman dans lequel un professeur anglais, Cambridge ou Oxford, a résolu la très célèbre hypothèse de Riemann, le problème mathématique le plus célèbre du monde, à coup sûr. Un problème qui est lié à la répartition des nombres premiers, d'ailleurs. Et dans ce roman, dès que l'hypothèse de Riemann est résolue, une civilisation extraterrestre qui observait les travaux du professeur de très près envoie un de leurs représentants sur Terre, déguisé en humain, avec pour mission de tuer cet intelligent professeur et de détruire toute trace de la preuve parce que ils savent bien, eux, que la preuve de l'hypothèse de Riemann permettra aux humains d'accéder à un stade supérieur de technologie qui transformerait l'humanité à terme en une menace pour cette civilisation extraterrestre. Ce meurtre était un sabotage. Oui, un sabotage. Évidemment, ça ne se passe pas comme prévu, vous l'aurez deviné. Et l'extraterrestre venu en saboteur finit par tomber amoureux de la race humaine avec ses défauts et par se délivrer de sa mission. Alors là, on part très très loin, mais on va revenir au nombre. On a beaucoup parlé des nombres entiers, des nombres naturels. Est-ce que... J'en ai pas fini. En fait, tout à l'heure, on parlait des petits nombres. Il faut ajouter qu'il y a une grande différence entre les petits nombres et les grands nombres pour notre cerveau. Un mathématicien ne fait pas la différence entre 3 et 157 du point de vue de la construction. Mais pour le cerveau, c'est très différent. Ça faisait partie des recherches de Stanislas Dehaene et d'autres sur la façon dont les nombres sont représentés. Ce qu'on a découvert, c'est que notre cerveau représente de façon très différente les petits nombres et les grands nombres. Et les grands nombres, ils sont plutôt représentés avec des concepts continus. Il y a toutes sortes de travaux sur la façon dont on arrive à classer, ordonner les nombres d'ailleurs. Et pour terminer, sur ces nombres entiers, avant de passer à des choses plus complexes, il y a une activité qui est liée au nombre, qui est un test d'humilité considérable pour les humains. Vous connaissez ça, ces expériences dans lesquelles on prend un sujet et on affiche sur un écran des nombres, 1, 2, 3, 4, 5, rangés à différents endroits sur l'écran, et votre travail, c'est de les toucher dans l'ordre, 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, etc. Dans une certaine de ces expériences, on les montre un instant à l'écran, puis on les cache, il n'y a que des petits carrés qui s'inscrivent à la place, et il vous faut quand même les inscrire dans l'ordre. Vous savez qui sont ceux qui se débrouillent le mieux dans cet exercice de très loin ? Non. Les chimpanzés. Un chimpanzé avec un minimum d'entraînement fait mieux que n'importe quel humain dans cet exercice. Et c'est spectaculaire, là où l'humain est là, en train de dire, le chimpanzé, même si vous l'interrompez au milieu, une histoire de banane ou qui sait quoi, il va reprendre après, comme si de rien n'était. Mais vraiment, facile. Et on peut essayer tout ce qu'on veut, les chimpanzés sont absolument supérieurs aux humains dans cet exercice qui consiste à ranger les nombres dans l'ordre, à les toucher dans l'ordre. Il faudrait que quelques-uns d'entre eux puissent intégrer NormalSup. Oui, alors il faudrait modifier un peu les épreuves du concours. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Et comment est-ce qu'on a pu inventer, Cédric Villani, la notion de nombre négatif ? Quand on dit il y a moins 5 kilos, ça veut dire quoi ? Comment est-ce qu'on a pu absorber cette notion abstraite ? Franchement, je ne sais pas comment le nombre est arrivé, a fini par s'imposer. Avant le nombre négatif, il a fallu inventer le zéro. Ça, déjà, ça n'a pas été une mince affaire. Et les nombres négatifs, c'était peut-être le prolongement du zéro. Peut-être à partir du moment où on avait le zéro, le nombre négatif est arrivé beaucoup plus facilement. Ce qu'il fallait combler pour obtenir zéro. Peut-être aussi avec cette idée que, recettes, dépenses, deux catégories de nombres qui s'annihilent les uns les autres. C'est le commerce ? Peut-être le commerce. On a l'habitude de penser que le commerce et le cadastre sont un peu les premières activités qui ont donné naissance à des choses comme les nombres et la géométrie. Dire la vérité, c'est pas très clair. Certains chercheurs sont persuadés que ce qui a donné naissance au nombre, c'est plutôt la sorcellerie. Le fait de dénombrer, de compter, de jeter des sorts, d'avoir des nombres de syllabes qui allaient bien, d'attribuer des valeurs magiques à certains nombres, et que les chamans utilisaient de ce pouvoir des nombres pour pratiquer leur exercice. Léon ? Oui, j'ai sur l'abstrait un texte d'Alain Bosquet qui s'appelle « Le pacte avec l'abstrait ». À présent, laissez-moi. Je négocie un pacte avec l'abstrait. Mon existence, l'ai-je réussi ? Je veux prendre le frais à l'ombre du néant, et je discute avec un chiffre noir de ma métamorphose après la lutte, car je n'ai qu'un devoir, quitter ce corps pour une antimatière, où le plomb n'est pas plomb, ni la peau une peau. Je suis stagiaire dans l'absolu très blond, très roux, très glabre. Et la loi que j'accepte est celle du refus. Me voici verbe, sans syllabe, inepte, heureux d'être diffus, comme un soleil qui jamais n'illumine une absence de lac. Je nie mes eaux, l'azur et la colline. Je ne suis que le vrac d'un poids sans poids, d'une forme sans forme. Un symbole vient-il à mon secours ? Que le réel s'endorme. J'abandonne un profil pour un besoin de songe et je m'adresse, en fantôme insoumis, à l'ombre, à l'inconnu, aux 20 déesses dont je serai l'ami. Merci, Léon Bonafé. Alors, si on va du côté des nombres entiers, on voit déjà qu'il y a d'énormes difficultés conceptuelles. Négatif, c'est pire. Il y a des nombres qui fascinent plus, les nombres transcendants, les nombres irrationnels. Est-ce que vous avez des choses à dire sur la recherche qui est menée autour du nombre pi ? Pourquoi est-ce qu'il a eu ce caractère si singulier dans l'histoire des mathématiques ? Le nombre pi est défini de façon si simple, dès qu'on définit le cercle, qui est la forme géométrique, l'une des formes géométriques les plus simples, et pour les Grecs, la forme géométrique parfaite, on se retrouve avec pi. Et le fait que ce nombre pi ait un côté insaisissable, qu'il soit irrationnel, l'a rendu fascinant. Le fait qu'il n'y ait donc aucune régularité dans ces décimales en a fait le nombre par excellence à apprendre. Vous savez qu'il y a des concours de récitation de pi, des gens qui sont capables de vous réciter pi pendant plusieurs heures. Et ça a participé à ce statut si singulier. Et puis, derrière, corollairement, comment calculer pi ? Comment l'approcher ? Avec quelle méthode ? Les Grecs anciens, déjà, s'en préoccupaient, trouvaient un algorithme qui permette d'approcher pi avec une précision extraordinaire. Le prodige indien Srinivasa Ramanujan, sur lequel un film a été produit récemment, était fasciné par ces problèmes du calcul du nombre pi et trouvait des algorithmes de convergence ultra rapides vers ce nombre. Beaucoup de choses convergent vers pi, on ne s'y attendrait pas. Je vais vous donner un exemple très simple, qui pour le coup est une convergence lente, qui vous donnera pas une approximation très précise, mais qui est fascinant. Je vais essayer de mémoire, oui, je crois. Prenez 1 et retirez un tiers. Ajoutez un cinquième, retirez un septième. Ajoutez un neuvième, retirez un onzième, et ainsi de suite. Vous continuez, et ça finira par converger vers pi sur 4, si ma mémoire est bonne. Pourquoi pi ? C'est ça qui est beau. Mais est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui qu'on comprend le nombre pi ? Et qu'est-ce que veut dire comprendre dans ce cas-là ? Alors, comprendre la compréhension, ça c'est pas une mince affaire. C'est presque aussi compliqué que expliquer le concept d'explication. Mais pi, on peut le définir, ça c'est facile. On peut recenser un grand nombre de situations dans lesquelles il apparaît. Quant à dire qu'on le comprend, ça dépend de votre définition de comprendre. Je vous pose la question parce qu'il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle René Daumal, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Mont Analogue, dans lequel il donne une définition de l'homme à partir du nombre pi. Il dit ceci, l'homme est un bipède sans plume, inapte à l'intellection du nombre pi. Oui. Est-ce que ça caractérise l'homme ? Voilà, la majorité d'entre eux, à mon avis. Bipède, oui, sans plume, et puis inapte. Oui, mais je pense que nous trouverons d'autres bipèdes sans plume, inaptes à l'intellection du nombre pi. Les poulets plumés. Auquel cas, il s'agit d'un attribut de l'homme plutôt que d'une caractérisation. Si on parlait des nombres, comme vous disiez, des nombres rationnels, irrationnels, transcendants, alors, c'est là-dedans, dans l'examen des nombres, qu'a survenu l'une des plus grandes surprises de l'histoire mathématique. Fin du XIXe siècle, quand on découvre qu'il y a plusieurs infinis. Et milieu du XXe siècle, la résolution l'un des problèmes les plus célèbres par rapport à ces infinis. Et donc on va parler un petit peu de ça. À la fois c'est vertigineux et en même temps c'est assez simple à expliquer. D'abord, une fois qu'on a construit les nombres naturels, on construit les fractions. On apprend ça à l'école. 3/5 est une fraction, 7/11 est une fraction et ainsi de suite. Il y a une infinité de fractions, et comme chaque entier est aussi une fraction, 7 c'est la même chose que 7 sur 1, eh bien on pourrait se dire qu'il y a plus de fractions que de nombres entiers. On pourrait se dire qu'il y a plus de nombres que de nombres pairs, puisque le nombre pair, c'est la moitié des nombres tout court. Pour le coup, il y a parité parfaite dans le monde des entiers, entre les pairs et les impairs. Mais pourtant, regardez 1, 2, 3, 4, 5 d'un côté, 2, 4, 6, 8 de l'autre. Si à 1 j'associe 2, à 2 j'associe 4, à 3 j'associe 6, à 4 j'associe 8 et ainsi de suite. Je vois bien qu'à chaque nombre entier j'associe 1 et un seul nombre pair, et à chaque nombre pair j'associe 1 et un seul nombre entier. Donc il y a autant de nombres pairs que de nombres entiers. Et de la même façon, on montre qu'il y a autant de fractions que de nombres entiers, on montre qu'il y a autant de nombres négatifs et positifs que de nombres positifs. Ça, c'est une première surprise. Mais ensuite, on montre que il y a bien plus de nombres réels que de fractions, que de nombres rationnels. Et on le montre en montrant qu'il n'y a aucune façon d'ordonner, de faire une liste avec les nombres réels. C'est une très belle astuce, imaginée par Cantor. On ne peut pas les dénombrer. On ne peut pas les dénombrer. On ne peut pas dire qu'il y a le premier nombre réel, le deuxième, le troisième, alors qu'on peut dire qu'il y a la première fraction, la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Par exemple, la première fraction, on pourrait décider que c'est 1 sur 1, la deuxième 1 sur 2, la troisième 2 sur 1, et continuer ainsi. Mais pour les nombres réels, il y a une très belle astuce. Imaginez que je fasse la liste de tous les nombres réels, disons entre 0 et 1. 0, alors peut-être que le premier, ça serait 1, 3, 5, 7, le deuxième 2, 4, 5, 5, 6, et ainsi de suite. Et puis je construis un nombre qui commence par 0, et tel qu'après la virgule, le premier chiffre n'est pas égal au premier chiffre du premier nombre, le deuxième chiffre n'est pas égal au deuxième chiffre du deuxième nombre, le troisième chiffre n'est pas égal au troisième chiffre du troisième nombre, et ainsi de suite. On a ainsi un nombre dont qui ne peut pas être le premier, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième, et ainsi de suite. Et ceci montre qu'on ne peut pas dénombrer les nombres réels. Ça s'appelle l'argument diagonal de Cantor, parce qu'on a regardé les diagonales, le premier chiffre du premier nombre, le deuxième chiffre du deuxième nombre, et ainsi de suite. Et quand il a découvert ça, Cantor a dit, dans une lettre qu'il écrit à Dedekind, « Je le vois, mais je ne le crois pas. » Je le vois, mais je ne le crois pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a pensé contre son cerveau ? Quelque chose comme ça. C'est ce qu'on appelle un paradoxe. Il a démontré que c'était vrai, mais sans pouvoir s'y résoudre. Un peu, vous savez, comme dans ces illusions. Vous savez que deux figures sont de la même longueur, mais vous ne pouvez pas y croire parce que votre cerveau vous en montre une qui est plus grande qu'une autre. Et c'est pareil. Il a démontré que c'était vrai, mais il ne pouvait pas y croire. Et pendant longtemps, s'est posé après une question dans la foulée, puisqu'il y a l'infini des nombres entiers et l'infini des nombres réels, et que ce dernier est plus grand que l'infini de nombres entiers, est-ce qu'il y a un infini intermédiaire ? Pendant longtemps, on a cherché, certains ont cru démontrer qu'il n'y en avait pas, d'autres ont cru démontrer qu'il y en avait, les démonstrations ne tenaient pas debout, jusqu'à ce que le mathématicien Paul Cohen, vers 1960, démontre que ce problème n'a pas de solution. Qu'il est indécidable. Indécidable, et que donc il est impossible de démontrer qu'il existe un cardinal intermédiaire, mais qu'il est impossible aussi de le réfuter. Ça, c'est assez vertigineux, et c'est qu'au XXe siècle qu'on a pu arriver à ce genre de choses, des démonstrations que quelque chose est improuvable. Merci à vous, Cédric Villani, d'être venu en public au Théâtre de l'Odéon, malgré un emploi du temps très chargé. C'était La Conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Michel Gassic et Gaël Braouezek, et à la réalisation François Connac.